Tu le sais quand il n'y a plus d'espoir, quand la fatalité te tombe dessus. Ça commence par une petite pandémie, et ça finit par un petit pendu. D'abord tu bois et tu fumes des pétards, tu mélanges tout ça avec des cachets. Et puis tu vrilles devant l'amour de ta vie, et l'amour de ta vie te laisse tomber. Ensuite, les problèmes judiciaires arrivent. À l'hosto, les infirmières sont compréhensives. Tu le sais quand il n'y a plus d'espoir, quand la fatalité te tombe sur la gueule. Tu déménages à la campagne et tu t'isoles. Tu commences à créer ton propre linceul. Ton ex te pourrit auprès de tes proches. Tu es si con que même ta femme y trenie. La fille qui était tout pour toi est déjà très heureuse dans sa nouvelle vie. Tu n'as plus qu'à t'effacer à tout jamais. Tu n'as plus qu'à disparaître et renoncer. Devant le ciel, face à l'horizon, je veux crier, c'est terminé. Assez prié, assez supporté, assez crié, ce soir c'est terminé. C'est tous un peu d'oublier de quoi demain sera fait. Demain ressemblera à ce qu'on en a fait. Reste cloué toute la semaine dans mon lit, comme dans un putain de lit d'hôpital. Je suis un intermittent plein Covid, plus de boulot, plus de vie sociale. Et on est parti pour des décennies, dans ce coup politique imposé. Et alors on apprend à se résigner, à accepter qu'on va crever. Alors un soir, je déciderai de trop boire et je m'ouvrirai les veines dans ma baignoire. Devant le ciel, face à l'horizon, je veux crier, c'est terminé. Assez prié, assez supporté, assez crié, ce soir, c'est terminé. On laissait tous un peu.